un, deux, trois, j'entends qu'on me minimise, j'analyse ce game qui nous divise, fait de paille, ils sont que des faits de paille, fait le taf, personne parle de débat, on s'éteint pas à nous, comme un feu de bois, que des fils, mais c'est triste, m'en fuck, la devise, union, discipline, bah, je suis le chef de ta putain d'entreprise. Oh, tu croyais que j'avais fini? Je buvais un morito à Assini. Vous, instruits souffrants, moi, instruits soignés. Total décaché de tous vos rappeurs à mon poignet. Comme dans mon fête de Thalès, on est dans le triangle, t'es dans la paresse, j'ai tout le pion, que j'ai le palmarès, mon bébé je t'ai mauvais que je caresse, toi je t'en un petit, moi je t'en un palais, je balais les petits qui ne font que parler, le putain de rappeur qui a fait que pas le palais, au moins de trois mois, au moins Dieu que c'est palais, gagnant en maître, mon doigt et mon devoir, ta flot de 80, ton rap est ta revoir, t'as rappé ton papa, t'as rappé ta mamie, c'est bon, arrête de rapper ta famille. Je pars retourner à Dakar, Maroc, RDC, Guinée, Mali. Vous avez le temps de sortir vos projets avant que je n'arrive. Ton squelette, quand le vil rap, tu des profs, c'est net. Vendre le projet moins cher dans les mains, genre c'est pas des rappeurs, bro, c'est des proxénètes. Et c'est reparti, quand le jeu avait commencé, faudrait pas fuir. Vos rappeurs sont finis, toi, ils font les martyrs, le gang voit tout, tu veux quitter le navire, on va le jeter par la fenêtre. Chez moi, pas de pression, ils font les énerver, je trouve qu'ils sont mignons, laissez-les parler. Si on passe des souris, le chat pense qu'il est Lyon, rapper ça fait plaisir, mais je préfère être tranquille à la fin du mois. Je suis l'unité de mesure, vous sortez vos albums, on parle que de moi. Shogun, Shogun, le Goon Show, 2023 encore et support. Je vous mets dans bon, reconnaissez que je vous mets dans bon. Keep the beat, me manque, Seigneur, fais réussir tout le monde. C'est le VA, chaque Marocain c'est le VA. Samo, Samo c'est le VA. La conspiration c'est le VA, cause to cause. Dieu va faire, l'année prochaine c'est notre année. Dieu va faire, l'année prochaine c'est notre année. En tout cas, Dieu va faire, l'année prochaine c'est notre année. C'est notre année. C'est notre année. Paix, paix, paix, paix, paix, paix, paix, paix, paix, paix, paix, paix, paix, paix, paix, paix, paix, paix, paix, paix, paix, paix, paix, paix, paix, paix, paix, paix, paix, paix, paix, paix, paix, paix, paix, paix, paix, paix, paix, paix, paix, paix, paix, paix, paix, paix, paix, paix, paix, paix, paix, paix, paix, paix, paix, paix, paix, paix, paix, paix, paix, paix, paix, paix, paix, paix, paix, paix, paix, paix, paix, paix, paix, paix, paix, paix, paix, paix, paix, paix, paix, paix, paix, paix, paix, paix, paix, paix, paix, paix, paix, paix, paix, paix, paix, paix, paix, paix, paix, paix, paix, paix, paix, paix, paix, paix, paix, paix, paix, paix, paix, paix, paix, paix, paix, paix, paix, paix, paix, paix, paix, paix, paix, paix, paix, paix, paix, paix